pris comme ça à 16 ans. Le goût du large, la chanson. Embarqué sur ce grand radeau, à la godille sur des bidons. Je ramais déjà mes histoires, à virer trop tôt ou trop tard, au rythme de ces garnisons, de mots sortis, droit du crayon. Je me plaisais à les offrir, sur les touches d'un mélodica, à des fiancées improbables, au miroir du premier faux pas. Et j'ai bien cru dans ma dérive, accrocher la lame de fond, petit navire qui s'enivre, petit amour à l'horizon. Je restais là des nuits entières, sous le regard d'un édredon, à me regarder dans la glace, je me voyais à l'unisson de ce public imaginaire qui se reconnaissait enfin dans ce pierrot de lampadaire perdu au milieu d'un refrain. J'aurais voulu me compromettre au bras d'une beauté andalouse, troublée par la fierté jalouse de ces Vénus au corps sculpté. Je crois que j'ai chanté pour elle ces filles jamais au rendez-vous, ces perles au collier des absences, ces chansons comme des gestes fous. Elle m'a donné bien plus d'amis, réunis au cœur des guitares, que peut me donner une seule vie, lovée dans les bras du hasard. Je les connais ces nuits de lune où je cherche l'inspiration, je dérive un peu en surface, je mords encore à l'hameçon. Ça m'a pris comme ça à 16 ans, le goût du large, la chanson. Embarqué sur ce grand radeau, à la godille sur des bidons, je ramais déjà mes histoires, à virer trop tôt ou trop tard, elle ne m'a plus quitté, je signe avec elle un bail.